Section 45 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Yannick Loiseau. La lecture, tome 7e. Section 45. Le 19e siècle. Comment Frédéric Pontault, 30 campagnes, 20 blessures, ne devint pas maréchal de France, par A. Robida. Chapitre 1. Le réquisitionnaire. Dans l'affreux tourbillon d'une tempête de peuple rués les uns sur les autres dans le sang, dans les larmes, dans les flammes, à travers la foudre et les éclairs, sous l'horrible grêle des boulets, des bombes et des biscayens, un siècle naissait. L'autre, le 18e, qui avait vu de joyeuses années, venait de s'éteindre tragiquement sous le couperet de 93. Et une sorte de brutale opération césarienne avait jeté au monde le 19e siècle, lamentable et pantelant. Pauvre petit, comme les autres, tu grandiras. Peut-être seras-tu, toi aussi, l'un de ces grands siècles qui marquent une étape de la pauvre humanité et rayonnent sur l'histoire avec l'éblouissant éclat des lumières apportées, des bienfaits répandus, des progrès accomplis. Peut-être verras-tu naître des choses imprévues ou surgir quelqu'une de ces découvertes qui lancent les hommes dans une voie nouvelle et marquent le couronnement d'une ère. Peut-être, hélas, seras-tu seulement le pivot sur lequel tournera le monde pour quelque brusque retour en arrière. Peut-être marqueras-tu comme un reflux de la vieille barbarie, noyant tout ce qui existe et faisant place nette pour un recommencement mystérieux. Et malgré tout, malgré les grands égorgements commencés dans notre coin de la vieille Europe, malgré les boulets rouges tombant çà et là en rafale, écrasant bien des villes ou trouant au loin sur les mers la coque des vaisseaux de guerre, une aube d'espérance se dessinait peu à peu. La France, où l'incendie qui embrasait le monde avait commencé, la France comme une ville assiégée, tenait par tous les bastions de ses frontières et lançait, par ses portes ou ses brèches, des sorties furieuses, parfois triomphantes, coupant les lignes ennemies et parfois ramener la baïonnette au Rhin. Une de ces sorties, une de ces poussées en avant sur le territoire ennemi, avait mal tourné. L'armée de Sambre-et-Meuse, sous les ordres de Jourdan, essayait vainement d'opérer sa jonction avec l'armée du Rhin en retraite. La saison est rigoureuse. La fatigue de tant de marches et contre-marches, le froid de décembre, la faim et l'Autrichien, quatre ennemis à la fois. L'ancien enthousiasme des campagnes heureuses s'était évaporé, laissant à sa place l'inquiétude dans le cœur du soldat. Devant Meissenheim, un gros village des environs de Kreuznach, des soldats quelque peu déguenillés, soufflant dans leurs mains rougies par une bise cinglante, se hâtaient à la pâle clarté de l'aube, une aube triste de frimaire, de faire sauter les planches d'un vieux pont de bois jeté sur les eaux troubles d'une petite rivière, affluent de la Naar. Égayant par des plaisanteries leur besogne de destruction, tout en prêtant l'oreille à une canonnade lointaine agrémentée de coups de fusil plus rapprochés, ils disjoignaient les poutres à grands coups de pique et jetaient les planches sur la rive. « Sergent Pontault !» dit en surgissant de l'ombre des premières maisons du village un officier dont le manteau, couvert de boue jusque dans le dos et déchiré en maints endroits, découvrait par instant le bras gauche en écharpe. « Capitaine ?» répondit un homme très jeune et très maigre, mais solidement bâti, debout sur la partie du pont non détruite. « C'est assez comme cela. Enlevez les planches jusqu'à l'endroit où vous êtes et laissez le reste. Nous devons conserver la possibilité de rétablir vivement le pont au besoin. Vous ferez rentrer les vedettes de l'autre rive et vous maintiendrez ici avec vos hommes. Avec le reste de la compagnie, je me porte sur le guet signalé à l'autre bout du village. » « Oui, mon capitaine. Vous avez compris. Quoi qu'il arrive, le pont doit nous rester. Nous le garderons. » Sans en dire davantage, le capitaine tourna le dos. Une cinquantaine de soldats, qui se massaient un peu plus loin, emboîtèrent le pas quand il passa devant eux. Et toute la troupe s'enfonça dans la grande rue du village silencieux. Le sergent Pontault était déjà sur l'autre rive avec quatre hommes. À 100 mètres en avant des premiers escarpements de collines ondulées dominant une route, quelques vedettes françaises veillaient. Le sergent, d'un œil attentif, inspecta l'horizon du côté de la canonnade et ramena les vedettes, qui durent s'accrocher aux poutres pour passer la coupure du pont. Le jour était venu tout à fait. Une lumière terne tombait du ciel, où couraient très bas de lourds nuages grisâtres qui semblaient devoir s'effilocher aux dernières branches des arbres ainsi qu'aux toits aigus des maisons. Le sergent Ponto, après avoir placé quelques factionnaires, fit entrer le reste de ses hommes dans une sorte de grange qui commandait la tête du pont et se promena philosophiquement de long en large, le nez en l'air et les mains derrière le dos en attendant les événements. Enlevé, par la réquisition de 93, de la tranquillité d'un village de Picardie, et jeté tout de suite dans l'immense bagarre, le sergent Frédéric Ponto, à 22 ans, était déjà passé vieux soldat. Il avait encore dans la tête l'étourdissement du soudain changement d'existence et le tapage des premiers coups de fusil reçus ou tirés, dès son arrivée, avec un bataillon de réquisitionnaires noyonnais à l'armée du Nord. Et il se perdait déjà dans les souvenirs de marches, de passages de rivières, de campements et de retraites, d'escarmouches et de batailles, de sièges et de blocus, confusément entassés dans son esprit pendant ces 2 années de vie à outrance. Car il y avait juste 2 ans qu'il avait quitté le pays et laissé la charrue à conduire dans les tranquilles labeurs des champs pour le fusil et le terrible travail de la guerre. Juste 2 ans qu'il courait sans trêve des champs de la Flandre aux plaines de la Belgique, des forêts des Ardennes aux collines rocheuses des pays du Rhin, passant des belles journées d'enthousiasme aux heures sombres du découragement, tantôt battu, tantôt battant, triste parfois, joyeux souvent, mais toujours de bonne volonté. C'était 2 ans auparavant, par un pareil matin de novembre, triste et blafard, qu'il avait fait sa première marche dans le rang, après une dernière caresse de l'œil au site familier, au ciel natal, au clocher de Noyon. Tous les réquisitionnaires, s'arrêtant d'instinct à la sortie de la ville, avait jeté comme lui ce profond et triste regard qui devait être pour beaucoup un regard d'adieu. Et c'est alors que, dans le demi-jour, sur le côté de la route, une femme, repoussant le fusil qu'il portait encore maladroitement, lui avait sauté au cou en pleurant, tandis qu'un homme lui prenait la main. L'homme, c'était son aîné, Jean-Baptiste Ponto, que la réquisition avait épargné à cause d'une boiterie venue à la suite d'un coup de pied de cheval. La femme, dont le baiser mouillé de larmes faisait sauter le cœur de Frédéric, c'était Claudine, ou plutôt Dine, une cousine, l'amie des belles années d'enfance, devenue tout doucement une promise. La révolution qui bousculait les trônes, coupait les têtes des grands et bouleversait l'Europe, tranchait brutalement aussi les rêves du petit paysan Picard et chavirait ses humbles espérances de bonheur. Il lui fallait laisser Claudine, tout abandonner et s'en aller à la frontière, apprendre à déchirer la cartouche et à manier la baïonnette. La jeune paysanne, pour assister au départ des Noyonnais et embrasser une dernière fois le réquisitionnaire, avait pris le prétexte du marché de Noyon et fait 4 lieues dans la nuit avec Jean-Baptiste. « Mon pauvre Frédéric, mon pauvre Frédéric !» C'était tout ce que, dans son naïf chagrin, la jeune fille trouvait à dire en marchant à côté de Frédéric, en lui glissant un pain et un morceau de lard, tandis que de l'autre côté, Jean-Baptiste, qui n'en disait pas plus long, portait en soupirant le fusil de son frère. 2 ans s'étaient écoulés depuis la séparation en haut d'une côte de la route de Saint-Quentin. Le petit paysan Picard avait vu bien du pays et s'était consciencieusement mis à son nouveau métier. Vigoureux, agile et adroit, habile chevalier de l'arc dans son village, il avait, par une aptitude naturelle, pris goût au fusil. Parti presque illettré du pays, où jamais livre ni gazette n'avait pénétré, il avait, dans les courts moments de repos entre 2 combats ou 2 sièges, trouvé le moyen d'apprendre. Il fallait bien lire les journaux de Paris arrivant dans les camps plus régulièrement que le pain ou les vêtements, et les proclamations et les ordres du jour remplaçant trop souvent la soupe. Un fourrier érudit lui avait donné le secret des paraphes audacieux, des fioritures à panache, et enseigné les belles phrases, le style naïvement boursouflé dans les proclamations quotidiennes des citoyens généraux ou représentants du peuple en mission donnaient d'ailleurs de superbes exemples. L'écriture et le style faisaient l'émerveillement du village. De tous les garçons partis en même temps que lui, Frédéric était pour ainsi dire le seul à écrire sans emprunter la main du courrier écrivain public et à dire autre chose que l'éternel « La présente est pour vous faire savoir que je me porte assez bien ». Aussi, quand la nouvelle arriva qu'il était fait sergent, tous ses concitoyens furent-ils unanimes à prédire pour Ponto Cadet les plus hautes destinées, au grand soupir de la seule Dine. Fin de la section 45.